Afrique, ah, plus Afrique. La devise des banques, c'est si on se mouille pas, plus t'as d'argent et plus on t'en prêtera. For the Afrique, ah, for the Afrique, ah, for the Afrique. Pas le con.